Radio Ville-Marie, CIRAFM, 89,9 Trois-Rivières et 89,3 Victoriaville. Angle de société. Un regard sur les dynamiques sociales d'ici et d'ailleurs. Bienvenue à tous les auditeurs de Radio Ville-Marie à l'émission Arts et Lettres dans la série Angle de société. Au micro, Claudine Bertrand, à la technique, Alain Primo. C'est un rendez-vous tous les mercredis avec des écrivains et des pionniers venus nous livrer leur passion. Nous recevons ce soir Serge Andriguet, président éditeur de la Fondation littéraire Fleur de Lys. Il est venu accompagné d'un auteur que nous aurons l'occasion de rencontrer un peu plus tard dans l'émission, c'est Pierre Bonnet. Et on verra, il y a plusieurs rôles, plusieurs chapeaux, comme notre fondateur. Mais quand j'ai dit fondateur, au fond, ils sont deux fondateurs. Hein. Je m'en voudrais d'oublier, évidemment, Madame Renée Fournier. Et ce sont deux personnes, même des personnages, sont bien impliqués dans le milieu de l'édition, édition électronique. Alors, je pense qu'on a un sujet très, très neuf aujourd'hui, un sujet brûlant. Et j'ai rencontré les deux, ces deux personnes-là, Serge Andriguet et Renée Fournier, au mois de janvier. J'ai trouvé passionnant leur sujet et je me suis dit, pour les auditeurs de Radio Ville-Marie, quelle belle façon de les introduire. Un sujet neuf, même, on disait, c'est presque une nouvelle planète. C'est ça, Serge André? Exactement. Bienvenue chez nous. Merci. Et bienvenue, M. Pierre Bonnet. Ça nous fait extrêmement plaisir à Radio Ville-Marie de vous recevoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, vous présenter, évidemment, n'est pas chose facile parce que, bon, vous avez œuvré pendant plusieurs années, mais j'aimerais, avant de faire l'échange avec M. Serge Andriguet et pour parler de cette belle invention, Fondation littéraire Fleur de Lys, j'aimerais lire un petit parcours pour nous permettre de situer ce personnage qui est un pionnier, en fait, de l'édition québécoise. Et je pense que c'est important de le souligner. Donc, Serge Andriguet, il a fondé cette belle maison d'édition. On peut dire que c'est une maison d'édition, même si elle n'est pas au niveau traditionnel. C'est de l'édition en ligne. Vous aurez beaucoup plus de détails en sa présence tout à l'heure avec toutes les informations qu'il est venu nous livrer. Donc, c'est une édition en ligne sur Internet avec impression papier et numérique à la demande. Cette belle maison d'édition a été créée en 2003. Par Serge Andriguet, que nous avons l'honneur de recevoir, et Renée Fournier, respectivement éditeur et libraire. Je pense qu'on aura aussi de l'information à ce sujet-là. La Fondation a pour mission de valoriser le patrimoine littéraire de la francophonie québécoise, on dit bien québécoise, canadienne et internationale, qui est souvent ignorée par les éditeurs. Voilà. Donc, Serge Andriguet, quelques mots. Il est marié et père de 4 enfants. Je pense que vous y tenez. Oui, bien sûr. c'est un de vos fleurons et un titre de gloire. Père. À être marié aujourd'hui depuis plus de 25 ans, c'est presque un exploit, nous dit-on. Oui, moi, oui. Je l'ai vécu très bien, au jour le jour, au quotidien, ça a très bien été. Et 4 enfants, on dit que c'est une grande famille aujourd'hui. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, vraiment, vous avez œuvré pour la patrie. Hein? Donc, c'est des enfants qui sont bien impliqués. Je connais une de vos filles qui est extraordinaire aussi et qui est très curieuse et fascinée par la littérature. Elle revient d'un voyage à Paris, d'ailleurs, que j'ai rencontré là-bas. Donc, Serge Andriguet est né à Lévis. En 1957. Il est avant tout un auteur, ça c'est important de le dire, parce qu'il a beaucoup écrit et publié d'abord très très jeune. Vous allez être étonné vous-même, il avait 16 ans, donc déjà c'était quelqu'un qui était assez à l'avant-garde. Il a publié 2 recueils de poésie. Bon, je saute différentes étapes, a fondé une revue de poésie à Lévis, et il glisse très tôt vers les médias. avec une chronique intitulée « Salut les poètes », publiée dans la Tribune de Lévis et diffusée à l'antenne de la station de radio CFLS. Donc, c'était déjà un bon bagage que vous aviez. 16 ans, c'est très, très jeune. Souvent, on ne va pas ou on n'est pas versé de ce côté-là, mais vous, je pense, vous aviez un talent naturel. Donc, vous étiez le plus jeune membre de la Société des poètes canadiens français, dit-on. Cette société a été rebaptisée depuis Société des poètes québécois. Donc, vous accédez au conseil d'administration de la société et devenez directeur national du concours annuel de poésie. Et là, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup d'autres facettes qui se sont ajoutées à ce parcours-là. Vous avez été journaliste, éditeur, animateur, commentateur, journaliste, je l'ai dit, recherchiste, rédacteur en chef. Alors, on voit que déjà, vous étiez très curieux, outillé dans le milieu de l'édition et vous avez fondé cette maison-là, aujourd'hui qu'on appelle évidemment Fondation littéraire Fleur de Lys. Alors, je vais vous laisser la parole parce que je pense que vous avez beaucoup à dire. Ce qui serait important qu'on puisse centrer autour de votre expérience, évidemment, avant d'arriver dans l'édition, votre parcours, peut-être depuis l'âge de 16 ans jusqu'aux années 80, 2000, je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de tracer les grandes lignes de votre parcours? Ben avec plaisir. Oui. Quand on écrit de la poésie à l'adolescence, c'est pour expier un peu les péchés qu'on a face au monde qu'on découvre. Hein. Je me souviens des premiers thèmes de mes poèmes, des premiers titres de mes poèmes. Par exemple, « La terre a mal à la tête ». Alors, on parlait déjà d'écologie. C'était pour nous, les jeunes, une façon d'exprimer nos inquiétudes, une façon d'exprimer autant nos joies que nos peines. Et la poésie, c'est un plaisir solitaire. On n'écrivait pas en groupe à l'époque. Et ce plaisir solitaire, on en a partagé le plus possible. Alors, j'ai été très soigneusement encouragé à publier par les directeurs, les directrices du Collège de Lévis où j'étais étudiant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai publié donc, à l'âge de 16 ans, les deux premiers recueils de poésie, « L'heure de solitude » et « La conscience aux heures de pointe ». Les titres disent tout. Et de là, je suis glissé progressivement vers les médias avec la chronique dont vous parliez, « Salut les poètes ». Ensuite, j'ai tenu une autre chronique qui s'appelait « La semaine étudiante » où on livrait l'information sur tout ce qui se passait dans le milieu étudiant. On voulait faire le pont entre les étudiants, ce qui se passe dans la vie étudiante, et les parents qui souvent ne savent pas trop ce qui se passe dans les corridors des écoles. Et cette glissade, on voit, hein, on parle de poésie, puis là, on parle d'information sur le milieu étudiant. Cette glissade vers les médias a été très profitable parce qu'effectivement, je me suis sensibilisé, familiarisé avec le fonctionnement de la radio, de la télévision. Et j'ai eu la chance de travailler très jeune à Radio-Canada pendant mes vacances. À 18 ans, je tenais la chronique socioculturelle la fin de semaine à la radio de Radio-Canada à Québec. C'était tout un honneur pour moi et ça a été toute une expérience. Et de là, j'ai bifurqué quelques années plus tard, après avoir fait beaucoup de piges, vers ce qu'on a appelé l'éducation aux mass médias avec un organisme qui s'appelait le Club d'initiation aux médias, qui était en fait une importation de la France. L'éducation aux mass médias était très développée en France. On avait des programmes de sensibilisation des jeunes téléspectateurs pour les rendre beaucoup plus actifs face au petit écran, pour qu'ils puissent comprendre ou prendre ou du moins leur distance face à l'influence de la télévision. Ça a été une très belle expérience, ça aussi, qui a duré de 82 à 87. Et en 87, j'ai lancé une firme de recherche spécialisée en marketing. Et c'est un peu l'aboutissement. On parle de l'écriture, on parle ensuite des médias, et ensuite on parle comment les médias fonctionnent, et on revient à la question comment entrer dans les médias, comment faire du marketing auprès de la population. C'est une expérience qui a duré de 1987 à 1998-99. Et en l'an 2000, comme plusieurs, la littérature a lancé son appel. On trouvait là sur le marché des livres exceptionnelle où les éditeurs et les auteurs et les spécialistes faisaient le point dans leur domaine de connaissances. Mm-hmm. Et c'était pour moi une occasion extraordinaire de reprendre le temps perdu, toutes ces années au cours desquelles j'avais pas pu lire autant que je voulais. Alors, j'ai acheté des livres de philo, j'ai acheté des livres de sociologie pour me mettre à jour. Mm-hmm. Et j'ai décidé de faire le point, moi aussi, de écrire mon propre essai, un essai qui traite de gouvernance personnelle, mm-hmm. un peu comme on parle de gouvernance au niveau de la politique, un essai qui traite de gouvernance personnelle, donc attaché à un témoignage personnel dans un livre qui s'intitule « J'aime penser » et dont le sous-titre, parfois surprenant, se lit comme suit « Comment prendre plaisir à penser dans un monde où tout un chacun se donne toujours raison? » C'est un beau défi. C'est l'histoire de ma vie. Sorte de nuit, effectivement. Donc, c'est votre vie de... Vous avez une grande ouverture d'esprit, c'est ça? Vous êtes contre un peu la pensée unique? Oui, je suis pour l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que je commence ce livre-là en parlant de Jacques Languirand à l'époque que j'écoutais quand j'avais 15-16 ans, c'est-à-dire dans une émission où il avait dit « La vérité, la lumière, c'est-à-dire, entre par les failles. Mmh. » Alors, si on vit dans un système sans failles, où l'on se donne, par exemple, toujours raison, il n'y a pas de lumière qui peut rentrer. Alors, cette phrase-là m'a marqué pour le restant de mes jours. Mmh. Et le doute, pour moi, n'est pas siège d'incertitude ou de ça ne me fait pas vaciller, le doute, pour moi. Il faut en tirer le bénéfice, et le bénéfice du doute. Hein. On dit souvent qu'il faut apprendre à tirer le bénéfice du doute plutôt que de tuer le doute comme tel. En se donnant raison, c'est ce qu'on fait souvent. Hein. Quand on veut éviter le doute, on se donne raison. Mais il y a un bénéfice au doute qui est celui de pouvoir effectivement avoir une ouverture d'esprit, d'accumuler de nouvelles connaissances qui sont meilleures que les nôtres, de reconnaître que les nôtres ne sont pas nécessairement les meilleurs au monde, et de pouvoir changer d'idée pour une meilleure idée, changer de perception pour une meilleure perception. Et c'est ce que j'explique dans ce livre-là, j'aime penser, ce que j'ai fait. C'est un peu l'objet de votre livre, de vous questionner sur à la fois le doute, la raison, la vérité. Vous allez vers le côté plutôt relatif que accepter des idées des autres, pour avancer, pour évoluer. Exactement. Et dans ce livre-là, on trouve, en fait, une partie de ma bibliothèque, c'est-à-dire tous les livres dont la lecture m'ont beaucoup influencé sur ma façon de voir le monde, la façon de me voir en relation avec ce monde-là. Et tous les livres, on parlait de Jacques Languirand, je commence par un des livres de l'époque, La voie initiatique de Jacques Languirand, qui était un des livres qui m'a beaucoup influencé, ou encore Échec de la psychologie moderne, qui m'a beaucoup influencé, et qu'on retrouve dans ce livre-là, avec des citations qui est l'explication pourquoi cette citation m'a transformé dans ma façon de penser ou dans ma façon d'agir par la suite. D'accord. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez d'autres auteurs que vous aimeriez citer ici qui vous ont influencé? Parce que vous dites de t'aller chercher. Est-ce qu'il y en a un autre? Jacques Languirand, c'est un pôle important. Est-ce qu'il y en aurait un autre ou deux dont vous avez souvenir? Vous aimeriez nous partager votre découverte? Un des auteurs qui m'ont beaucoup influencé, c'est celui dont je parlais, qui est auteur du livre « Échec de la psychologie moderne » ou « Séduction psychologique » qui a été écrit par William Kirk Kilpatrick, un Irlandais de Boston, professeur de psychologie dans un collège, et qui fait une analyse très approfondie en comparant ce que promet la Bible aux chrétiens et ce que promet la psychologie. Et pour lui, la psychologie, c'est la Bible, mais sans Dieu. C'est la seule différence qu'il voit entre les deux. Donc, la psychologie est pour lui, étant donné qu'il est également pasteur, donc la psychologie est pour lui quelque chose qui promet sans avoir l'essence même pour la réalisation de cette promesse. Mm-hmm. Elle propose un travail sur soi qui devient, pour la plupart des gens, une montagne insurmontable plutôt que de faciliter le cheminement. Ce qu'il dit dans ce livre-là, c'est que les gens ne veulent pas se transformer, ils veulent être de nouvelles personnes. Mm-hmm. Alors, comme pasteur, comme protestant à l'époque, William Kirkpatrick voit que la psychologie éloigne les gens de la vraie recherche de soi et il va écrire ce livre-là, Échec de la psychologie moderne. C'est un des livres qui m'a beaucoup marqué. Un autre livre qui m'a beaucoup marqué, c'est celui d'Olivier Klein, qui est un professeur, professeur invité à l'Université Laval. C'est un Français qui a écrit un livre sur l'histoire des sciences, dans laquelle, non pas il raconte l'histoire des découvertes scientifiques, mais dans laquelle il raconte l'histoire de l'évolution de la pensée scientifique, qu'il résume comme étant une lutte contre ses émotions. On revient au livre « La pensée scientifique »,« L'esprit scientifique » selon Gaston Bachelard. Ça m'a beaucoup influencé parce qu'effectivement, quand on veut s'assurer d'une grande ouverture d'esprit, on n'a pas le choix que de toujours remettre en doute ce que l'on sait et d'apprendre qu'en science, le savoir se bâtit toujours sur les ruines du déjà su. Sur la destruction du déjà su. Donc, on ne peut pas évoluer, dans un certain sens, vers une certaine connaissance si on n'accepte pas que celle que l'on possède déjà soit remise en cause. Soit remise en cause au point d'être mise de côté pour une nouvelle connaissance qui peut parfois dire le contraire de ce qu'on pensait. Oui, c'est vrai. Alors, c'est des auteurs qui m'ont beaucoup plus influencé. J'en parle dans le livre J'aime penser. Oui, J'aime penser. Évidemment, c'est un livre sur lequel on pourra revenir au retour de la pause. On s'arrête ici quelques instants. On a mis pour vous une pièce musicale d'un grand musicien, vous devez connaître, compositeur, mais Messiaen. Merci. Je pense que vous êtes heureux. Alors, on écoute ça quelques instants. De retour à l'émission Arts et Lettres en compagnie de notre invité qui est Serge André Guay, président fondateur. Président fondateur, c'est président éditeur de la Fondation littéraire Fleur de Lys. C'est un titre qui a l'air long, mais il va nous expliquer pourquoi il a trouvé ce titre-là. Mais je pense que dans le cheminement, on était rendu à votre livre. On va y arriver à la Fondation, mais je pense qu'un mène à l'autre. Il y a un livre dont on parlait précédemment, c'est J'aime penser, dont vous êtes l'auteur de ce livre-là, qui est une réflexion, à partir de d'autres auteurs qui vous ont influencé. Et peut-être on peut continuer cette discussion-là. Et j'aimerais savoir si ce livre est disponible encore et où on pourrait le trouver. Est-ce que c'est sur Internet? Peut-être vous allez nous éclairer là-dessus, oui? Oui, bien, j'aime penser, pour finir la réflexion, juste avant la pause, avant la belle musique qu'on a entendue, je le présentais à ce moment-là comme étant un steak pour l'âme. Mm-hmm. En comparaison avec bouillon de poulet pour l'âme. Mm-hmm. Donc, quelque chose d'un peu plus consistant, selon moi. C'était très prétentieux, probablement. Je l'ai soumis donc à des éditeurs. Éditeur traditionnel. Éditeur traditionnel, effectivement. Au Québec, là. Au Québec, oui, oui. Et on me disait tous que ce livre-là n'entrait pas dans les collections existantes ou encore que on n'avait pas... le programme d'édition était complet, que le livre était très bon, mais pour des raisons X, on ne pouvait pas l'éditer. Alors, j'ai vécu l'expérience que beaucoup d'auteurs vivent sans le savoir parce qu'on n'est pas nécessairement en communication les uns avec les autres. C'est là que j'ai appris que 90% des manuscrits soumis aux éditeurs traditionnels par nos auteurs sont refusés. Pour des questions tantôt de critères éditoriaux, tantôt pour des critères de plus en plus commerciaux qu'on dénonce dans le milieu littéraire, parce que ça nuit à la diversité éditoriale. Et face à ces refus, convaincu que mon livre pouvait apporter, comme plusieurs auteurs sont convaincus que mon livre pouvait apporter quelque chose à son lecteur, eh bien, je me suis mis à rechercher du côté de l'Internet s'il y avait une possibilité de le publier. Et c'est là que j'ai découvert ce qu'on appelle l'édition en ligne. Principalement en France. À cette époque-là, nous sommes en 2002. Je fais une étude sur Internet. Je découvre qu'il y a plus d'une trentaine d'éditeurs libraires en ligne sur Internet, c'est-à-dire des éditeurs qui ont des critères de sélection beaucoup plus larges, compte tenu que le risque qu'ils prennent à l'édition est beaucoup moins grand. Alors, l'éditeur traditionnel, lorsqu'il édite un livre, il prend un risque qui est quand même assez élevé, compte tenu qu'il faut pour lui imprimer un tirage suffisant pour la distribution en librairie, il faut qu'il entrepose ce tirage, il faut qu'il procède à la distribution, confie à un distributeur ou le distribue lui-même. C'est toute une démarche financière qu'il doit prendre sur son dos, à son propre compte, sans impliquer l'auteur comme tel. Ouais, c'est ça. Et l'éditeur en ligne, lui... sur Internet, l'éditeur électronique, ne court pas les mêmes risques. D'abord, il va éditer de façon numérique, c'est-à-dire un fichier PDF, par exemple, ou un fichier Flash, pour ceux qui connaissent le Flash, qui est simplement, si on veut, une imitation du livre papier à l'écran où on voit qu'on peut tourner les pages et que ça fait le bruit du feuilletage d'un livre réel, puis on voit les pages tourner. Alors, c'est la seule différence entre un PDF et un Flash, par exemple. Alors, pour produire un livre, un exemplaire numérique d'une œuvre, ça coûte environ 10% du prix d'un livre papier. Donc, le risque financier n'est pas grand. Beaucoup réduit, on parle d'une réduction de 90% dans ce cas-là. Ensuite, on a la version papier. Bon, il faut quand même pouvoir offrir au lecteur, parce qu'il le demande, il veut pouvoir accéder à la version papier de l'œuvre numérique. Souvent, il va se procurer la version numérique, il va la lire, il va la consulter, mais il veut conserver un souvenir physique bien concret de sa lecture et il veut avoir l'exemplaire papier. Alors, ce que l'éditeur en ligne a comme possibilité à ce moment-là, c'est de procéder à une impression à la demande. Le fameux print on demand que les Américains ont lancé comme expression, là, l'impression à la demande, c'est-à-dire l'impression d'un seul exemplaire à la fois, à la demande expresse de chaque lecteur. Ça veut donc dire que chaque exemplaire imprimé pour l'éditeur libraire en ligne est un exemplaire vendu d'avance. Il n'y a aucun risque. Il n'y a pas d'entrepôt à payer, il n'y a pas de distribution comme telle à payer, si ce n'est d'envoyer le livre une fois imprimé à son acheteur, à son lecteur. Et il se trouve à pouvoir, comme ces risques financiers-là sont éliminés, à pouvoir prendre beaucoup plus d'auteurs sous sa responsabilité et éditer beaucoup plus de livres qu'un éditeur traditionnel qui a un budget limité dans un marché qui est très saturé, il faut le dire. Le marché du livre traditionnel est quand même assez saturé. La durée de vie d'un livre en librairie, mise à part quelques ententes oscillent entre 90 jours et 120 jours. On peut parler d'un an pour certains romans québécois grâce à des ententes entre l'Association nationale des éditeurs de livres du Québec et la librairie Archambault ou Renaud-Bray, là, je me souviens pas laquelle, mais on a des ententes où on peut conserver des titres québécois beaucoup plus longtemps en librairie, mais rien n'empêche que pour la majorité des ouvrages publiés, la durée de vie, c'est de 3 mois. Ouais. Au bout de 3 mois, l'auteur reçoit un appel chez lui et de son éditeur et qui lui demande s'il veut se porter acquéreur des invendus. Dans le cas de l'éditeur libraire en ligne, sur Internet, il n'y a pas d'invendus. Il imprime à la demande, il offre des versions numériques une à la fois, et c'est là tout l'avantage de ce que j'appelle, moi, là, ce qui caractérise le plus l'édition en ligne sur Internet, c'est la démocratisation de l'accès à l'édition. Et c'est ce que le Conseil de l'Europe avait reconnu dans les années 90 en travaillant sur ce dossier-là. Et on voulait s'assurer que ce type d'édition se développe partout dans les pays européens de façon à assurer, une plus grande diversité éditoriale sans encourir le risque financier qu'on courait habituellement, et aussi qu'on assure la protection des littératures nationales. Je vous donne un exemple très simple. La Hongrie, c'est 10 millions d'habitants, je crois, 9 ou 10 millions d'habitants. On parle le hongrois, on écrit en hongrois et on publie en hongrois. Bon, vous et moi, on n'est pas le hongrois. Non. Et la majorité des autres Européens ne lisent pas le hongrois. Non. Donc, ils sont pris dans un marché où s'ils considèrent uniquement les critères commerciaux pour accepter une œuvre, ils n'éditeraient pas beaucoup de livres. Parce que ça prend des best-sellers pour être capable, ça prend des gros vendeurs pour être capable d'assurer la survie d'un éditeur traditionnel. Est-ce que ça existe là-bas, en Hongrie? Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils se sont dotés d'une imprimerie de livres à la demande, d'un éditeur libraire en ligne. Et maintenant, la production hongroise qui est accessible au grand public est beaucoup plus vaste que si on se référait uniquement aux éditeurs traditionnels. Ça n'enlève absolument rien à l'éditeur traditionnel. Non. C'est complémentaire. Ce qu'il n'édite pas, pour des raisons qui lui sont connues et propres à son marché, comme les critères commerciaux ou des critères éditoriaux ou X collections qu'il a fermées, des programmes d'édition fixés quelques mois, voire quelques années à l'avance, ça, ce sont ses raisons à lui. L'édition en ligne, c'est un complément, c'est en complémentarité de l'édition traditionnelle. Et de plus en plus, d'auteurs au Québec ne veulent plus passer par l'édition traditionnelle. Bon, d'abord, ils savent qu'ils ne seront pas nécessairement acceptés parce que leur livre est au pointu, parce que leur livre est au personnel, ou parce qu'ils l'ont écrit pour leur région, ou parce qu'ils l'ont écrit pour leurs confrères spécialistes. Il n'y a pas de grandes ventes. Ils ne s'attendent pas à des ventes exceptionnelles sur le marché. Pour eux, l'écriture, c'est un loisir. Ce n'est pas nécessairement un gagne-pain. C'est un loisir au même titre que le ski. On va investir dans le ski comme on investit à ce moment-là dans l'édition de son ouvrage. Et ces auteurs-là se tournent directement vers l'édition en ligne. Ils nous proposent leurs manuscrits. On a des critères de sélection assez serrés, notamment du côté de la pornographie, de la liberté de religion. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas ces œuvres-là? Non. Ça, déjà, trop d'allusions au sexe, on le refuse. Il y a déjà assez de sexe comme ça sur Internet, de toute façon. Du sexe indésirable, la plupart du temps. C'est ça. Je me souviens d'un ouvrage où on a refusé parce que la description du viol d'une jeune fille par un soldat était trop explicite pour rien. On n'a pas étendu ça sur 10 pages pour parler de l'événement. Alors, on demandait à l'auteur s'il voulait modifier son texte et il l'a accepté. Tant mieux. C'est ça le travail d'éditeur, entre autres. C'est ça. Oui, je vais poser une question là-dessus. Justement, le travail de l'éditeur, c'est que, bon, au moins, je veux dire, quand on parle d'édition plus traditionnelle, qui est quand même la majeure partie de l'édition au Québec et même ailleurs, et c'est sûr que vous ouvrez un secteur très, très nouveau, mais il reste que, bon, il y a un écrémage qui est fait, il y a un comité de sélection. C'est très important. Moi, j'en lis des manuscrits et il y en a qui n'ont pas de valeur littéraire et il y en a qui sont très mal écrits. Évidemment, ça demande un retravail. Je ne dis pas tout le monde peut accéder à l'écriture. Maintenant, à la publication, c'est quelque chose d'autre, parce que ça demande un haut niveau de d'écriture, en tout cas une écriture qui soit bien fignolée. Il y a un style aussi, parce qu'on peut écrire sur plusieurs sujets, disons ça, oui, c'est possible. Mais maintenant, une édition littéraire, évidemment, il faut que le manuscrit respecte des critères de sélection. Comme vous dites vous-même, vous reconnaissez qu'il y a une qualité là, et vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi non plus. Vous avez déjà en éliminé ceux qui seraient, bon, hors, qui ne seraient pas politiquement corrects, on peut dire. Mais dans l'écriture, c'est certain que l'éditeur, ce qu'il faisait auparavant et qu'il continue à faire, c'est qu'il va guider un auteur. Parce qu'un auteur qui est en émergence, je ne parle pas des auteurs qui ont déjà publié, ils sont frottés à l'écriture. Bon, ils ont quand même une pratique de l'écriture. Mais quelqu'un qui commence, vous le savez vous-même, moi j'en donne des ateliers d'écriture. L'écriture n'est pas à maturité du tout. L'écriture, faut qu'elle mûrisse d'abord. Faut avoir des conseils. Bon, donc c'est certain que si vous prenez une œuvre qui est en émergence, une œuvre, une écriture, ça veut pas dire qu'elle est bien fignolée, elle est pas terminée encore. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est certain que vous avez un travail éditorial, vous avez dit, mais j'aimerais vous l'expliquer un peu, parce que vous pouvez pas non plus refaire le manuscrit. Comment vous accompagnez un auteur en émergence? Partant d'un point de départ qui est celui qui nous a été donné par Christian Mistral, dont on réédite le recueil Fatalis sur notre site. Ce livre-là n'étant plus disponible en librairie et Christian ayant récupéré ses droits, donc il peut en disposer comme il veut. Oui. Il continue à faire affaire avec l'édition traditionnelle et il fait affaire avec l'édition en ligne pour ce qui nous concerne. Mais Christian, un auteur en émergence. Non, mais Christian, ce qu'il disait, je me souviens au début de la Fondation, en 2003-2004, toute œuvre achevée mérite d'être publiée du seul fait qu'elle fut achevée. Oui, il faut qu'elle soit achevée. Exactement. Donc, Alors, qui définit qu'elle est achevée? C'est ça. Dans l'édition en ligne, on s'adresse beaucoup plus à l'auteur qui considère la littérature, qui considère l'écriture comme un loisir, non pas comme un métier. Donc, le terme achevé n'a pas du tout la même signification pour un homme d'affaires, retraité, qui décide d'écrire son autobiographie, qui sera probablement son premier et son dernier livre, ce n'est pas du tout la même approche. Pas du tout. Et quand on parle que l'édition en ligne, c'est une alternative à l'édition traditionnelle face aux 90% des manuscrits qui sont refusés, il y a une approche de la littérature qui est celle du patrimoine littéraire. C'est-à-dire que moi, je ne refuserai pas un livre qui est mal écrit par une prostituée qui raconte son histoire. Je ne refuserai pas de publier ce livre-là parce qu'il est pour moi un portrait très réaliste de sa réalité, mais ce n'est pas une œuvre littéraire. Ce n'est pas très bien écrit. Et j'accompagnerai bien sûr le livre d'une note de l'éditeur disant que ce livre est dans le langage populaire choisi par l'auteur, etc., etc. Mais quand on parle de patrimoine littéraire, on parle aussi de portraits instantanés que l'on veut figer dans le temps et qui nous donnent une vraie image. On peut pas travailler le livre nécessairement d'une prostituée. On peut pas non plus nécessairement changer le style d'écriture d'un auteur qui a travaillé 3 ans pour faire son premier roman, qui l'a pondu difficilement. Ça, c'est le rôle de l'édition traditionnelle, d'aller chercher ces auteurs-là, de les reconnaître, de voir qu'ils ont un potentiel pour faire de la littérature, non pas un simple loisir, mais cette fois-là, un art, parce que c'est un art, écrire. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est à l'édition traditionnelle que revient cette mission. Nous, on veut pas se mettre à la place de l'édition traditionnelle au sein de la société. On veut tout simplement offrir une alternative, une façon, un moyen d'être lu. Il y a donc un certain travail qui est fait au niveau du livre, mais c'est un travail très de base. On se limite à l'orthographe, on se limite à la grammaire, on fait le plus attention possible. On demande à l'auteur et on le responsabilise face à ça de nous soumettre le manuscrit revu et corrigé. corrigé. Parce que beaucoup d'auteurs, beaucoup de gens qui s'adonnent au loisir de l'écriture ne se donnent pas la peine de pratiquer ce loisir jusqu'au bout, c'est-à-dire de se relire attentivement ou pas plus qu'on se lance sur les pentes de ski sans avoir une certaine formation ou du moins un coach à ses côtés, d'avoir quelqu'un qui nous aide à ses côtés. Alors, c'est la même chose. Donc, on ne cherche pas nécessairement à faire de l'art littéraire. Non, ça, c'est le rôle de l'industrie traditionnelle. Nous, ce qu'on fait, c'est de la protection du patrimoine littéraire. On veut pas que le livre qui a été refusé par un éditeur par l'éditeur traditionnel dorme au fond d'un tiroir parce que il mérite d'être lu du seul fait qu'il fut achevé. Bien sûr, il y a des auteurs qui travaillent leurs œuvres. Il y a des auteurs qui améliorent leurs œuvres. L'auteur Pierre Bonin, qui est avec nous ici, a travaillé son œuvre. Son premier de ses trois romans qu'il a publié avec nous, on vient trois ans plus tard d'en faire une réédition, une réédition revue et corrigée. Et c'est comme ça que ça se présente, l'édition en ligne. Très bien. Et ça, on en reparle au retour de la pause. On sera en compagnie de l'invité Pierre Bonin, dont on s'arrête quelques instants pour une pause musicale. Messiaen. De retour de la pause musicale, donc nous avons un deuxième invité qui s'appelle Pierre Bonin, qui est auteur, qui a publié à cette maison-là parce qu'il y croit, je pense c'est une bonne maison d'édition dont on parlait à l'instant, Fondation littéraire Fleur de Lys. Donc j'aimerais vous entendre là-dessus, d'abord votre expérience à vous, mais j'ai quelques mots sur votre parcours. Je la résume ici, disons votre information. On dit, Pierre Bonin, retraité de la fonction publique montréalaise, donc vous n'avez pas honte non plus, vous avez pas dit. Pas du tout, madame. C'est pas un mauvais titre, je pense que vous utilisez de façon efficace votre retraite. Après 30 années de service, vous avez travaillé suffisamment longtemps pour dire peut-être vous reposer, je pense qu'on peut parler du repos dans vos années de retraite, ou c'est l'écriture maintenant qui occupe une bonne partie de C'est effectivement l'écriture qui occupe mon emploi du temps. Très fort pourcentage, soit dit en passant. Et j'y suis venu un peu par hasard quand j'ai préparé mon projet de retraite. J'avais comme deux options qui se présentaient. Et finalement, quand je parle de hasard, c'est parce que j'avais entrepris certaines lectures et sur un sujet donné qui a fait en sorte de d'émoustiller mon intérêt pour creuser davantage. Et j'ai fait des découvertes. Et c'est à partir de ces découvertes-là que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça vaudrait peut-être la peine d'entreprendre quelque chose. Je rêvais depuis fort longtemps d'écrire un roman comme bien des gens, soit du temps passant. Et je me suis dit, alors, j'ai l'occasion qui s'y prête, j'ai du temps devant moi, alors, on va se lancer. Alors, ce que j'ai fait, effectivement, c'est que je me suis documenté sur un sujet en particulier. Lequel? C'était, j'étais tombé par hasard là-dessus, c'était la participation de nos compatriotes qui ont joint les rangs de la Légion étrangère dans les années 1920, qui sont allés combattre en Afrique du Nord. au Maroc plus particulièrement. Et j'ai lu deux témoignages de deux légionnaires québécois. Et ensuite, je me suis documenté beaucoup sur le sujet en lisant d'autres ouvrages spécialisés, soit des témoignages ou des essais qui avaient été écrits sur cette époque. Et à ce moment-là, l'idée m'est venue d'aller en voyage. Alors, je suis parti et puis je suis allé visiter le Maroc en ayant établi un itinéraire à partir de l'expérience de ces auteurs-là. Mm-hmm. Et j'étais littéralement fasciné par ma découverte de ce pays, de cette civilisation, une autre culture complètement à l'opposé de la nôtre comme société occidentale. Et c'est une fois rendu sur place là-bas que ça a commencé à mûrir tout ça. Alors, quoi? Mûrir le projet d'écriture? Oui, effectivement, mûrir le projet d'écriture. Déjà, pendant que j'étais sur place, j'avais comme toute une série de flashs qui commençaient à m'habiter. Et puis là, je prenais des notes, je m'étais apporté un cahier et je griffonnais soir après soir quand on rentrait à l'hôtel ou dans nos casbos où on dormait ou sous la tente à l'occasion. Alors, je griffonnais au fur et à mesure des idées qui me donnaient dans la journée. Et au retour au pays, j'ai commencé à consulter ça. J'ai dit, écoutons, il y a de la matière là-dedans qui pourrait être drôlement intéressante. Alors, j'ai poursuivi certaines recherches, j'ai ramassé d'autres matériaux et là, ben, tout d'un coup, pouf, ça a démarré. Alors, j'ai pris une période d'à peu près un an pour écrire mon premier roman. Mm-hmm. Et, il s'appelle comment, Le trésor roman? Du Rif. Une fois que je l'ai écrit, je l'ai soumis à des maisons d'édition traditionnelles ici au Québec. Je l'ai même expédié en France à 2-3 maisons d'édition là-bas. Mm-hmm. Malheureusement, c'était des refus avec la mention « ne correspond pas à notre politique éditoriale malgré la qualité de votre manuscrit, patati patata. Mm-hmm. » Alors là, je m'étais dit « bon, ben ça y est, c'est un projet de retraite, on va passer à autre chose. » Puis tout d'un coup, par pur hasard, je suis tombé en furetant sur le net sur le site de la Fondation Fleur de Lys. Mm. Bon, ben, j'ai dit coudonc, j'ai dit ça a l'air intéressant, édition en ligne, et patati patata. Alors, j'ai soumis mon premier manuscrit et j'ai été accepté. J'ai trouvé ça formidable. Mm. Et à ce moment-là. Et ça a pris combien de temps pour être accepté? Ben, c'est-à-dire, entre la présentation, tout près d'un mois avant de recevoir une réponse de retour, rapide, le temps qu'il soit lu par le comité et qu'à ce moment-là, ils me disent oui, ça a l'allure, on accepte de vous publier. Donc, et par la suite, bon, mais quand j'ai vu que ça, que c'était publié, qu'on pouvait aussi l'offrir en version imprimée, ben là, j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Surtout que j'avais entrepris la rédaction de la suite de ce livre-là dans un deuxième livre. Tome 2. Tome 2, oui, parce que j'étais un peu embêté, c'est que je savais pas, moi, à ce moment-là, si mon premier tome, il serait accepté. Mm. Alors, je m'étais comme, qui dirait, là, abstenu d'écrire plus longtemps. Et là, on me dit, oui, ben, c'est intéressant. Alors, oui, j'ai continué. Alors, j'ai sorti mon tome 2, Les captifs de Rissani. Mmh. Et par la suite, ben, j'ai terminé l'année dernière avec mon troisième roman, Abdelkrim. Donc, c'est une trilogie. Au fond, il y a trois tomes. Oui, si l'on veut, il y a trois tomes. Mais ils peuvent se lire séparément? Attendez un petit peu. Le Trésor du Rif, en fait, son complément, c'est Les captifs de Rissani. Quoi qu'on pourrait fort bien lire Les captifs de Rissani avec des retours dans le passé par rapport au premier, et là, le lecteur dirait, ah, ben, regardons ça, c'est vrai, pourquoi pas lire le premier, tiens. Et tandis que, par contre, le troisième, lui, c'est une intrigue véritablement là, séparée, complètement différente des deux autres. Et le sujet, d'abord, je voulais vous demander, est-ce que c'est historique, je dis basé sur des faits historiques, est-ce que vous avez ensuite mis de l'imagination ou c'est purement historique? Oui, effectivement, les intrigues que j'ai développées sont imaginaires, sauf que je fais référence à des personnages historiques réels qui ont existé. Je les mets en scène dans mes romans. J'ai aussi des personnages imaginaires qui gravitent dans cet univers-là. Et bien sûr, tout le contexte historique. Ça, par contre, je suis d'une rigueur absolue. J'ai pris la peine avant de publier, de m'assurer de l'authenticité de tout ce que j'écrivais pour que, justement, on ne m'accuse pas de lancer des choses en l'air sans avoir pris le temps de faire des vérifications. Alors, essentiellement, tout le contexte historique, dans les trois romans, est d'une rigueur absolue au niveau des références. Oui. Et ça concerne, vous dites, les compatriotes québécois qui sont enrôlés dans la Légion étrangère. Oui, effectivement, qui sont partis à l'aventure dans les années 1920. Ce genre de choses que beaucoup d'entre nous ignorent, soit dit en passant. Beaucoup. Il y a une population importante des Québécois. Et qui ont œuvré ou qui sont morts là, puis peu de... Est-ce que c'est au retour qu'ils ont écrit leur témoignage? Oui,

manuscritdépôt.com. .com. Donc, on aura l'information pour cette conférence. Je vois qu'il y a tout un beau programme qui s'intitule Le Nouveau Monde du Livre. Vous allez parler de tous les aspects, les facettes du livre dont on ignore beaucoup comment ça se déroule. Donc, vous allez le présenter, librairie sur Internet, le type de livre disponible, type d'édition, l'impression à la demande, approche économique, contrat d'édition dont vous venez nous parler et les droits d'auteur que vous respectez, évidemment. Vous-même, vous êtes un auteur, donc vous connaissez ce domaine-là. On va parler de la livraison, bibliothèque en ligne, vous l'avez dit, différentes politiques que vous mettez en œuvre, des carnets littéraires en ligne. Donc, on voit que c'est très vaste, c'est très varié, au fond, et les logiciels de lecture, effectivement, comment concrètement on peut aider toute personne qui a envie d'être publiée et qui a un bon produit, évidemment, à vous soumettre. Donc, écoutez, il ne reste plus qu'à vous remercier, mes chers amis, dont vous étiez en présence de M. Serge-André Gué, et avec M. Pierre Bonnet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, madame. C'est un grand plaisir. Peut-être on en reparlera au cours de l'année. Donc, chers auditeurs, nous avons discuté de ce sujet-là. Nous sommes toujours disponibles pour recevoir vos commentaires. Nous vous remercions énormément d'avoir été avec nous. Ce fut une rencontre très riche et nous repartons avec beaucoup plus de munitions pour évidemment faire face et répondre peut-être à quelques questions sur le nouveau monde du livre. Donc, au nom de toute l'équipe, je vous dis au revoir et merci d'avoir été là, chers auditeurs et auditrices. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Arts et Lettres. Au micro, c'était Claudine Bertrand, à la technique Alain Primo. Restez avec nous à l'antenne de Radio Ville-Marie. Bonne semaine.